Comptez les oreilles. En 10 mots, ça fait genre, tu sais, il faut... Mais dans ton univers à toi, bah tiens, Charleroi, pour moi, c'est ça. Et après, on explicite un des mots ou deux ou trois des mots. Et comme ça, il y a tout le monde qui a le même... 10 mots, c'est beaucoup, peut-être. Hein. Bon, on trouve pas 10 mots. Bon, bah, coucou, les amis. Hein. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Donc voilà, on va faire l'idée. On est à Charleroi, un dimanche matin. Il fait soleil. On est au mois de septembre. C'est les journées du patrimoine. Et on a rencontré deux chouettes petites personnes ici qui habitent Charleroi. Presque. J'habite Binge. Courcelles. Et qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? On revient de concert. On revient, ouais. Allez. Tigrou, il y a un chien en fait qui vient. Tigrou dit. Et vous revenez d'un concert? Un concert à Bruxelles. Oui, un concert de quoi? De punk hardcore. C'était bien? Ouais. Ouais, je me souviens plus. Moi, je m'en souviens. Sun Power et D-Rats. Deux bons groupes. Chouette. De Suède et de Belgique. Et ce matin, vous êtes à Charleroi. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Alors, on va faire comme Noémie dit dans un premier temps. Et puis, si on n'y arrive pas, mais on peut essayer de décrire Charleroi en 10 mots. Votre Charleroi en 10 mots, ce serait quoi? Disons le GB, Gino, le pub, le pub La Riche. Il y a eu le Corto tout un temps, puis il y a le cinéma, puis la rue de la Montagne, les Beaux-Arts, la place près des Beaux-Arts, je ne connais plus le nom. La place du Manège. La place du Manège. Oui, voilà. Il y a chez Raoul aussi, il y a les pizzanales et cornets de pâtes, et la boulangerie. Et ça fait 10 mots, non? Ouais. Et quoi alors, être de Charleroi, c'est quoi? Être Carolo, être... Carolo, c'est un état d'esprit. C'est... Bah... C'est... On fait un peu peur à l'extérieur, hein. Ouais. Oui, hein. Moi, je vais à l'école à Namur et quand je dis que je suis de Charleroi, les gens, ils sont un peu peureux, hein. C'est vrai. Les gens, ils pensent tous que Charleroi, c'est une ville très mal famée où tu te fais agresser tous les 10 mètres. Alors que... Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc... C'est partout pareil, donc... Il n'y a pas qu'à Charleroi où il y a de la... Où il y a des c'est problèmes. Pire que Charleroi, quand même. Je dis, il y a des endroits pires que Charleroi. Comme la Louvière. ou Aisne-Saint-Pierre. Ou les zones comme Fleurus. Ah oui, Fleurus. Ah oui, Fleurus. On s'est fait courir après une fois dans Fleurus. Ouais. Parce que j'avais une coupe de cheveux bizarre. C'est vrai? Ouais. Et voilà. Ouais, à Mont-sur-Marchienne aussi, j'ai déjà eu des problèmes, mais bon. Quand tu parles de problème, c'est quel genre de problème? Un œil au beurre noir. Mais pas l'aventure, quoi, de l'aventure. Ouais, de l'aventure. Complètement torché. Et j'étais. Je savais pas quoi faire parce que j'avais un peu trop bu. À Alors, j'avais plus de réaction. J'ai eu un bel œil au barbois. C'est resté rouge pendant 2 semaines. À Charleroi, ça. À la Louvière. À Mont-sur-Marchienne. À Montigny sur... Non, Mont-sur-Marchienne. Dans la région de Charleroi. Et comment ça se fait alors que Charleroi a cette réputation? Ça vient d'où, ça, d'après vous? J'en sais rien. Mais il y avait un quotidien américain qui avait dit qu'à Charleroi, il avait même parlé de Charleroi au niveau de sa délinquance et tout ça. C'est une référence. Oui. C'est pire que Chicago et tout ça. Justement, c'était un journal de Chicago qui avait dit ça. Bah, c'est surtout une région pauvre, non? C'est beaucoup de social ici, donc assez bien. En fait, comme là-bas, c'est une ville ouvrière, ça n'a pas beaucoup changé. C'est encore des petites maisons où les gens restent des ouvriers et ils n'ont pas accès à une vie plus ou moins civilisée et confortable. Alors, ils en veulent toujours plus. Et voilà. Et Charleroi, j'y suis. Charleroi, j'y resterai. Charleroi pour la vie. Moi, oui, en tout cas. Carolo forever. Carolo forever, a way of life. 6000 représentent. 6000 représentent. Ouais. Toute ma vie. Quelque chose à rajouter spontanément de vous-même sur quoi que ce soit d'ailleurs? Profitez d'être entendu à la radio pour lancer une petite... Avec deux amis, j'organise un concert le 4 novembre à Charleroi, à l'ACJ, près de l'école Saint-Joseph. Venez nombreux, c'est 5 euros l'entrée et 40 cents la bière. Ah, okay. Voilà. C'est des bons groupes. Bah oui, c'est des bons groupes. De rien. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà, en 10 mots, un petit portrait de Charleroi. Allez-y. Oh, Charleroi, qu'est-ce que j'ai dit sur Charleroi? J'ai rien à dire sur Charleroi. C'était... Je sais pas ce que je veux dire. Bah, une description pour celui qui connaît pas. Quoi, là, Charleroi, c'est la campagne. Charleroi... Je sais pas, moi, tu vois. C'est une petite ville, il y a beaucoup de choses à voir, enfin, il y a pas beaucoup de choses à voir, pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas Charleroi, mais les gens qui viennent, la plupart du temps, c'est ici, c'est pour sortir, parce qu'il y a beaucoup d'endroits pour aller sortir, s'amuser avec ses amis. Sinon, ce qui est bien, c'est le parc, un parc de Culuc, et le parc de Waterloo. Charleroi, il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, ou alors il y a beaucoup de gens qui fument trop de joints et qui boivent de trop, je trouve. Voilà quoi. Non, c'est tout ce que j'ai. Ouais, il y a que ça. Non, on voit que ça à Charleroi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de domicile, il y a des gens qui dorment dehors. Des Belges, tu vois, c'est pas de clandestins. Ils dorment dehors. Et il y a des clandestins aussi qui dorment dehors, donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Vous habitez Charleroi? Oui. Je sais pas. Oui, on habite Charleroi. Oui, on habite Charleroi. Et comment ça se fait que vous habitez Charleroi? Vous n'avez pas envie de partir alors, puisque vous n'aimez pas? C'est peut-être pas évident de partir. C'est pas qu'on n'aime pas Charleroi. On aime bien Charleroi, mais il y a des trucs qu'on n'aime pas ici. Il y a des gens qui sont pas bien, il y a beaucoup de trucs qui ça marche pas bien ici. Il y a beaucoup de trucs, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de trucs qui ça marche pas. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou c'est à cause de quoi que ça va pas? Voilà, d'un point de vue un peu plus... Ouais, je veux te dire, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui tournent ici, qui volent des sacs, qui volent tout ici, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de travail. Il y a des gens qui ont besoin de travail. Voilà. Ça, c'est ce que je veux te dire. Trop de pollution à cause des usines aussi. Par rapport à d'autres villes, quand il y a des usines, ben là, il n'y a pas toute la fumée qui va dans l'air, quoi. À Charleroi, il n'y a que ça, quoi. Trop de poussière, trop de saleté. Ça pue, quoi, c'est ça que tu dis? Ça pue. Et maintenant, quelque chose à rajouter comme ça spontanément sur n'importe quel thème, d'en profiter que vous allez être entendu à la radio pour dire quelque chose de particulier. Profitez-en. Tu peux envoyer un message pour quelqu'un, Je sais pas, en faute. Non, mais un coup de gueule ou quelque chose de... Un coup de gueule, pourquoi? Je sais pas, non, si vous, n'en avez pas, hein, genre, ah, attends, moi, voilà, ça fait longtemps que j'ai envie... Quelque chose que je pense, tout bas, et que moi, je dis jamais. Qu'est-ce que je pense de vrai, tu vois. Qu'est-ce que j'ai dit, que je pense, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt. Ça, c'est que je pense. Qu'est-ce que t'as dit tantôt? Bon, voilà, je t'ai dit qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens... il y a des gens qui dorment, il y a pas de travail, il y a trop de la drogue ici, tu vois. Voilà. Voilà. Merci, hein. Merci, ouais, sympa merci. D'avoir joué avec nous. Bonjour madame, oh, bah, votre petit nom? Prénom? Je préfère ne pas le dire. Ok. Et description de Charleroi en quelques mots. Charleroi, c'est une belle ville où on peut s'amuser, on peut dépenser de l'argent, on peut même s'amuser sans trop dépenser. On peut se payer du beau temps. Il y a aussi des affaires tristes, mais des affaires gaies. Mais je crois que c'est mieux que ça prime sur ce qui est beau, positiver. Et alors, on voit la vie en rose. Voilà. Je crois que j'ai tout dit en très peu de mots. Voilà. Vous vous sentez quelqu'un de Charleroi? Vous sentez que cette ville, vous pourrez dire je suis Carolo et... D'origine, je ne suis pas Carolo, mais je me sens quand même Carolo, à force d'y habiter. Et si je quittais la ville de Charleroi, je crois que j'aurais quand même la nostalgie de cette ville. Voilà, oui. La nostalgie de quoi, si vous saviez expliquer? De tout ce que j'ai vécu, les belles choses et les mauvaises choses, voilà. Ça pourrait être Charleroi ou ailleurs, à la limite. Qu'est-ce qui fait que c'est Charleroi et... Non, j'ai certaines racines. Mon fils est né à Charleroi, mon mari est né à Charleroi. J'ai vécu longtemps à Charleroi. J'ai appris la langue française à Charleroi. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'attachent à cette ville. C'est peut-être pour ça que elle me plaît, quoi. Et que j'aurai la nostalgie si je viens à la quitter. Et quand vous parlez de choses jolies, parce que c'est ça que vous expliquez aussi, hein, ben Charleroi, ok, il y a des choses pas chouettes, mais moi j'espère, enfin, je préfère regarder les choses jolies. Vous pouvez nous en donner une chose jolie à Charleroi? Ben, déjà le marché aux fleurs, le dimanche, ou même le marché, et puis on côtoie des gens, il y a des gens qui vous disent bonjour, qui vous sourient, et ça fait beaucoup dans la vie quand il y a quelqu'un qui vous sourit, quoi. Enfin, je crois que ça c'est un peu de bonheur. Le bonheur, bon, on peut l'attendre des autres, mais on peut le créer et le donner aux autres. Et c'est donner à recevoir. Enfin, ça, c'est ce que je pense vraiment. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va? Merci, madame. Merci beaucoup. Bonne journée, hein. C'est marrant, ça. Ouais. Hein, c'est joli, hein, petite ouais, dame. C'est joli. Habillée tout de rouge avec des petits pois blancs. On la voit bien danser sur une table. Ouais, ouais. Du flamenco enflammé. Ouais, c'est ça. Toute jolie. Ouais. C'est pour ça que j'avais envie qu'elle donne son prénom parce que je suis sûre que ça allait être avec un A à la fin. Tu vois, genre quelque chose de joli, quoi. Ou d'italien. Voilà. Hein, on pourrait aller s'amuser avec la boule. Enfin, non, c'est vrai qu'ils ont travaillé. Là, ceux-là, les deux. Là. Ouais. Ce qui est embêtant, ici, c'est pas le son, un peu le bruit des voitures, ça va pas. Non, t'entends pas. Sinon, on peut se mettre juste un peu plus vers la place. Hein. Non, mais. Okay. On a mis notre drapeau aussi, là. Donc voilà, petit portrait de Charleroi avec madame. Ben, Charleroi, c'est un petit coin où je me sens bien, où j'ai mes habitudes, mes amis, ma famille. Et c'est un petit coin où je me sens en sécurité, malgré tout ce qu'on en dit. Pour moi, personnellement, c'est le coin que je préfère. Voilà. Et si on devait décrire l'âme Carolo, parce qu'on dit souvent les Carolos, il y a quelque chose, comment vous pourriez aussi mettre des mots là-dessus? Ben une certaine quand même solidarité entre les Carolos. C'est vrai? Oui, je pense, oui, quand même. Elle se traduit comment? Comment on la voit, la solidarité, Carolo? Ben, si vous avez un pépin, malgré... On est un peu chacun chez soi, mais dès qu'il y a quelque chose, on vient voir si vous avez besoin d'aide ou... Ah oui, c'est quand même comme ça. Ouais, ouais. Souvent dans le monde moderne qu'on vit, on entend souvent l'inverse. Hein. Oui. Chacun pour soi. Oui, mais non, je ne pense pas qu'à Charleroi ce soit comme ça, on est quand même solidaires. Ouais. Ça vient d'où cet esprit de solidarité? Je ne sais pas bien vous dire ça, non. Non, je ne sais pas. Carolo, je suis, Carolo, je resterai. Oh oui, ça certainement. Oui, oui. Une dernière, quelque chose à rajouter spontanément sur n'importe quel thème. Vous en profitez de passer à la radio pour dire un coup de gueule, quelque chose de particulier rien qu'à vous. Ça peut être bien, oui, qu'il y ait un peu moins de sans-gêne en ville, ça ce serait pas mal, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sans gêne, ben les gens qui s'arrêtent en plein milieu de la rue alors que le bus est derrière, par exemple, pour papoter avec le copain, ben ça, ce serait bien quand même qu'on respecte les autres, quoi. Voilà, c'est tout. Merci, merci, bonne journée. Allez, au revoir. Merci, hein. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, un joli petit portrait de Charleroi. On va essayer. Je dis joli, mais c'est pas obligé que ce soit joli, hein. C'est comme vous votre voulez. Votre Charleroi, hein. Pour vous, c'est quoi? Votre Charleroi? Moi, c'est. Pour l'instant, c'est beaucoup d'insécurité. Autrement. Je sais pas quoi dire, franchement. Bah, on va aborder ce que vous venez de dire. Pourquoi vous nous dites beaucoup d'insécurité? Parce qu'il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de gens se font agresser. Et. C'est quelque chose que tu découvres là au quotidien près de toi ou bien c'est quelque chose... Parce que je travaille dans une taverne et je vois aussi ce qui se passe autour de moi. Et je vois que c'est quand même pas joli chez le roi. Non? Non, quand même pas. Il y a quand même des choses qui changent, mais en général c'est pas si beau que ça. Pourquoi c'est dans la taverne le soir à 1h du matin ou... Non, le soir ici, en taverne boulevard Thiroux, ça va encore, mais... C'est en général, c'est dans la ville, quoi. Je suis désolé, mais je ne saurais pas, je suis bloqué. Non, je suis désolé. Ok. J'ai travaillé. Ouais, ça va. Excuse-moi, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Je ne sais rien dire d'autre. Désolé. Ouais. Ah, c'est peut-être parce qu'il dit... Il dit des choses un peu... tu vois, qui répète un peu dans les médias classiques. Et puis, quand on rentre dans le vif du sujet, essayer de comprendre, bon, salut les gars. Hein. Enfin, c'est j'ai senti ça comme ça. C'est votre Charleroi à vous, quoi. Bonjour, mesdames. Non, je veux pas parler, quoi. Une minute, quoi. C'était rigolo, en plus. Et on pouvait gagner un voyage. Regarde la petite dame. À Charleroi. Et se sont retournés. T'as vu, trop voilant, quoi. Comment tu t'appelles? Amanda. Amanda, ton Charleroi à toi. Ton Charleroi, comment tu le vis? Ton Charleroi au quotidien? Comment tu pourrais le décrire en quelques mots? À quelqu'un qui ne connaît pas, quoi. Charleroi, moi je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à visiter. Moi je pense plutôt que c'est... Enfin, moi je viens à Charleroi, j'habite pas ici. Je viens ici, c'est pour les magasins. Je connais pas trop le côté historique et touristique de la ville, quoi. Donc... Je sais pas quoi dire de plus. Et qu'est-ce qui te plaît dans Charleroi? Je sais pas. Bah, y a rien, je sais pas. Allez, quelqu'un qui connaît pas Charleroi, c'est quoi Charleroi? C'est la campagne? C'est la ville? Ça sent bon? Comment? C'est la ville, c'est pas... Enfin, moi, je pense pas que ça soit très sécurisé. Enfin, j'aime pas de me balader ici très tard. Enfin, la ville... Pourquoi? Je sais pas. Y a... Dans un peu dans toutes les villes, ça. Oui, mais bon... Je sais pas, enfin moi je suis pas d'ici et j'aime pas trop de me balader ici en ville quoi. Mais maintenant il y a beaucoup de choses à faire, on a le choix, on a des magasins, on a beaucoup de trucs, mais je sais pas. Comme dans toutes les villes quoi. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est Charleroi? Peut-être, enfin on dit ça mais il faut peut-être avoir voyagé dans toute ville pour dire bah tiens. Qu'est-ce qui fait que Charleroi ressemble à. Qu'est-ce qui fait que Charleroi c'est Charleroi? Ouais. Je sais pas. En quelques mots, quoi, même des mots plic-ploc sans faire des phrases. Non, je sais pas. Non. D'accord. Eh bien, une petite chose à dire, comme ça, à la radio, tant que vous y êtes, c'est pas tous les jours. Un petit coup de gueule, un petit coup de... Un petit coup de pouce, un petit coup de... Non, je crois. D'accord. Ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça va, ok. Merci, bonne journée. Merci. Alors ici, en exclusivité, deux humains qui découvrent, mais aujourd'hui, Charleroi. Alors, donnez vos impressions. On a passé une nuit donc au bord de la route dans un camion. On a été très agréablement accueillis par donc la radio avec deux charmantes demoiselles. On a pris notre petit déjeuner dans un petit commerce super mignon où ils vendent que des produits bio. Et là, on est en train de faire le tour. J'ai vu un cracheur de feu avec un joueur d'accordéon. Ça a l'air inspirant. Et j'espère que je vais passer une agréable journée à Charleroi. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Pareil. Rien à rajouter ? Ben non. Okay. Et on termine comme ça alors ? Toi, tu vois quelque chose à dire, Mimi ? Non, quand même, par curiosité, comment votre camion, vous avez décidé de l'arrêter ici ? Il y a bien une histoire à tout ça ? Il y a une histoire. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'on est parti de France, donc de Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est une très agréable ville aussi, près de donc, la mer Atlantique, l'océan Atlantique. On est parti à Bruxelles pour voir le Cirque du Soleil, le spectacle Allegria. Et en fait, comme Charleroi, c'était sur la route du retour pour aller en France, on a dit qu'on allait se faire une petite pause là avant de rentrer pour profiter encore un petit peu de la Belgique. Ça va comme ça ? Voilà. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame, mademoiselle. Un petit portrait alors de Charleroi ? Oui, ben, j'ai envie de dire que déjà, c'est la ville où je suis né, c'est déjà... Mais Charleroi, je dirais, c'est quand même les usines, c'est une évolution, c'est beaucoup de poussière, c'est beaucoup de... C'est une ambiance, c'est une ville à part, c'est pas... Elle a absolument... Elle est incomparable par rapport à ce qu'on peut voir d'autres en Belgique. Elle est unique en soi, et quand on y est, on ne sait pas qu'on y est. Et je pense que c'est surtout quand on est à l'extérieur qu'on se rend compte, à ce moment-là, on s'en rappelle. J'ai envie de dire que Charleroi est une ville exceptionnelle par rapport à New York, par exemple, ou Shanghai, ça n'a rien à voir. C'est aussi un très lourd passé de guerre et d'industrie, évidemment. C'est aussi tous mes amis, c'est aussi tous les gens, c'est mes parents, je pense que c'est chez moi. Mais ça ne me dérange pas du tout de quitter Charleroi, pas du tout. Mais je suis toujours très heureux d'y rentrer, ça voilà. Et quand tu dis que ça en fait quelque chose d'à part, d'unique ? Ben oui, il suffit d'aller à Namur, Gand ou Anvers ou Liège. On se rend bien compte que Charleroi n'a pas de double. Il n'y a pas le double de Charleroi quelque part. Simplement parce que historiquement, la ville qui était un petit village, si je m'en souviens bien, qui était le Charnois, s'est créé à l'intérieur du fort de Vauban. Et d'ailleurs, c'est la seule ville en Belgique qui, puisqu'on parlait du Moyen-Âge tout à l'heure, Brigitte, il y avait pas de vassaux, il y avait pas de gens à l'extérieur de la ville de Charleroi. Tout le monde était à l'intérieur du fort, et c'est après que le melon s'est éclaté, qu'on a éclaté le fort, et que la ville est partie à partir de l'intérieur. Alors que toutes les villes en Belgique, les villes existaient autour des forts, hein, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas beaucoup de forts sont restés, on les a pas détruits. Ici il fallait absolument pour l'expansion, parce qu'il n'y avait qu'une seule sortie à la porte de Waterloo. Donc il fallait que ça gonflait la population. Mais si vous allez à Mons ou à Binche, les forteresses, tout est... Et ça, c'est dommage. Évidemment, c'est dommage qu'on ait détruit ce fort, parce que quand on voit ce que Vauban avait fait ici, et les Hollandais, c'était vraiment... c'est gigantesque. Hein, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution que de démolir. De démolir, oui. D'ailleurs, c'est les gens qui ont commencé à démolir eux-mêmes, parce que la ville ne voulait pas au départ. Et il y a eu des manifestations. Enfin, tout le monde a pris toute la population a pris ses pelles, les pioches, et on est parti à battre le rempart. C'était pas encore l'intercommunal, quoi. C'était les gens. Si maintenant on se mettait à démolir. Hein, quelque chose, on se fait taper sur les doigts, quoi. Mais à l'époque, c'est les gens qui décidaient. Voilà. Et il reste quelque chose de tout ça aujourd'hui dans l'esprit, là, des carolorangiens, de ce truc un peu particulier. Qu'est-ce qu'il y aurait de particulier dans le Charleroi d'aujourd'hui, alors ? Oui, comment dire, ce qu'il y a de plus particulier, c'est que le tutoiement se fait sans aucune hésitation. Il y a un contact, une approche des gens qui n'existe pas à Bruxelles ou Namur, où les gens se frôlent, se passent, se côtoient, mais sans se parler. Ici, je vais à Bruxelles, je n'ai pas peur de m'adresser aux gens, ou je dis bonjour, ça va, moi je suis de Charleroi, bon, le wallon, j'adore le wallon, je continue à parler le wallon, mais il y a un contact plus facile, et donc il y a une chaleur. Il y a une chaleur qu'on n'a pas ailleurs. Ça c'est je parle pas du soleil, c'est une chaleur. Bien qu'il y en ait aujourd'hui. Bien qu'il y en ait, et qu'il il est vraiment très beau. C'est la ville de Charleroi. Oui, même ça chauffe même. Mais ça c'est dû à quoi ça d'ailleurs? La cette chaleur, elle vient. Mais c'est ça vient de ce que les gens vivaient tous ensemble il y a 40-50 ans, pas plus, il y a pas plus longtemps que ça. Moi, donc en 60, 70, tout le monde était sur les trottoirs en train de jouer aux cartes ou bien au bridge, ou donc c'est la même chose. Mais les gens se connaissaient mais très fort au niveau voisinage. Et aujourd'hui, je vois ces gens qui ont 80 ans et tous ces gens il y a une sécurité de connaître l'autre. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il y a l'insécurité, c'est qu'on, justement, on ne connaît plus l'autre. Il faudra pouvoir aller vers l'autre, même si l'autre ne vient pas forcément facilement vers vous. Ça c'est peut-être plus difficile. Il y a quelque chose, il y a un gros travail, à mon avis. Là, il y a un gros travail de refaisons connaissance, quoi. Je veux dire, avec tous les 40 000 étrangers, ici, c'est pas. La ville a changé. Je dis, il y avait quelques années, c'était. On avait les Italiens et les Grecs. Maintenant, on a quand même l'Europe, si pas le monde, qui est présent. Et il faut les intégrer, mais il faut que ça vienne des deux côtés. Il faut que ça vienne de nous. Et il faut que ça vienne d'eux aussi. Maintenant, nous, on est très, quelque part, aujourd'hui, je trouve que le Wallon est très isolé, très individualiste et très... le Wallon ne sort pas en bande ou je ne sais pas très bien. Je trouve que c'est difficile d'aller vers l'autre. C'est pas facile. Il y a un gros effort et je ne sais pas si... Je ne sais pas très bien comment la politique peut s'en sortir... Par rapport à la population, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Je veux dire, encore hier, j'étais à une soirée, évidemment, il y avait 30, les îles au sud de l'Afrique, donc c'est comme les îles françaises ou anglaises au sud de l'Afrique. Les Seychelles. Hein? Bon, mais c'est vrai, ces gens-là ont été extraordinaires, on a dansé et tout. Et puis, la fête s'est terminée, et tous ces gens sont rentrés avec leur embarcadère et leur pêche, quoi, hein, j'ai envie de dire ça, dans les coulisses. Et puis, je voyais les gens regarder par la fenêtre avec beaucoup de tristesse, mais le contact... En dehors de la scène, il y a eu la scène, il y a eu le spectacle, et puis le spectacle fini, vous rentrez chez vous, il n'y a pas eu... Les gens ne se sont pas entremêlés. Les gens restent entre eux, en clan, comme ça, en bande, entre gens qui se connaissent bien et qui... voilà, les gens familiers, quoi. Oui, donc maintenant, il est 18h. C'est intéressant, c'est, vous avez entendu ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Ben, c'est vrai que Charleroi, on n'a pas l'impression... Moi, c'est un truc qui me fait... J'ai souvent cette réflexion là, qui est que quand on est de Charleroi, ben voilà, on est de Charleroi, et c'est une fois qu'on est à l'extérieur de Charleroi, on peut pas attaquer la ville, parce que bon, Charleroi c'est les Carolos, on n'a pas souvent aussi bonne réputation, on a une réputation de bagarreur, on a une réputation d'alcoolique, on a un peu de chômeur, et c'est vrai qu'inévitablement quand on se retrouve, bon, entre autres j'ai de la famille à Wavre, donc quand je vais à Wavre le choc est assez frontal, et j'adore, parce que du coup j'ai un sentiment horrible de pas de nationalisme, mais de je buterais bien la gueule de pas mal de gens, parce que c'est dédaigneux. Et on allez à Charleroi, je pourrais traverser les rues les yeux fermés. Faites-le à Wavre. tu te fais écraser. Tu te fais écraser, tu te fais insulter, tu te fais, tu demandes un renseignement à quelqu'un, ils foutent le camp parce qu'ils ont l'impression que tu vas les agresser. Et tu as un sentiment comme ça de protection de cette partie de Charleroi. Tu es un carolo. Moi, à l'extérieur de Charleroi, je suis une carolo, une vraie, une pure, une dure, une vraie. Moi, si je quitte Charleroi, je me sens à l'étranger. Oui, on ne fonctionne pas, on n'est pas pareil, on est une race à part, à mon avis. Il paraît qu'à Liège, c'est un peu aussi comme ça. Les grandes villes où il y a eu, par exemple, pour parler des Italiens qui sont arrivés dans les années 50, ben c'est un peu ça qui a fait qu'on est comme on est. Allez Guillaume, tu as une minute devant toi. Charleroi, mais non, moi je suis né à Charleroi aussi, ça fait 25 ans que je suis là, et c'est vrai que, comme les autres disaient aussi, Charleroi c'est un monde, c'est une façon de vivre, et c'est vrai que quand on va autre part, comme on disait, Charleroi, on en a toujours l'impression que Charleroi, c'est le mauvais côté de la Belgique, alors qu'il y a des choses qui se passent pareil, si pas pire, dans les autres grandes villes de Belgique aussi, mais elles sont plus ciblées dans certains quartiers, alors qu'ici, on a tendance à généraliser, et... Alors que moi, je peux pas traverser Charleroi du bas de la ville comme jusqu'au haut de la ville à n'importe quelle heure. Je n'ai jamais de problème. Mais quand je rencontre des gens ou des groupes, c'est une façon d'être. Une fois qu'on sent qu'on est de Charleroi et qu'on est là, à mon avis, les autres le ressentent aussi. Et généralement, ça se passe toujours bien sans trop de problèmes. Moi, en tout cas, je n'en ai jamais eu. Et voilà, c'est vrai que c'est une façon de vivre, quoi. Donc, à partir du moment où on se sent bien chez soi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, les autres, quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils regardent déjà d'un œil extérieur en se disant avec ses préjugés que tout le monde dit tout le temps. Et rien qu'à cause de ça, les gens continuent dans cette idée, même en se baladant à Charleroi, généralement, n'apprécient pas. Alors que, voilà, c'est une ville, c'est vraiment agréable. Moi, je me fais des amis partout. Il n'y a aucun problème. Enfin, moi, j'aime vraiment bien, voilà. C'est ma ville, et je la défendrai toujours. ce qui est, par exemple, on prend... puisque je trouve que chez nous, il y a eu un tournant avec l'affaire du trou, ici. À l'étranger, c'est la Belgique, quoi. On ne dit pas Charleroi, on dit c'est la Belge. Maintenant, il y a donc cette histoire en Autriche. Mais ne me demandez pas la ville où était... enfermer la jeune fille, c'est l'Autriche. C'est parce qu'on n'a pas cette capacité. D'ailleurs, la Belgique est absolument inconnue en Californie. Donc, finalement, c'est Charleroi, ça nous concerne. Et ça concerne les gens, les proches, quoi. Mais pas plus loin, quoi, non. Et puis, on est quand même... on fait partie de la Belgique, surtout. C'est quand même... ce qui n'est pas peu dire, c'est quand même... Parce qu'en dehors d'être carolo, il y a un esprit belge assez extraordinaire, vous savez, au niveau surréalisme, au niveau du caractère des gens, le belge. Vous montez à Paris ou en Alsace, les gens ne sont pas du tout pareils. Les gens sont tout à fait différents. Et voilà, donc en plus d'être belge, on est carolo. Donc voilà, on assume ça et c'est très bien, je trouve. Sans parler de l'Europe, ou de la planète. Hein. Ben, merci à vous tous. De rien. Au revoir. Bon appétit. Ah, oui, voilà, allez. Bonjour, madame. Bonjour. Ben, voilà une présentation de Charleroi vue par votre regard et votre cœur, on va dire. Oui, ben, je suis originaire de Charleroi, donc Charleroi, c'est ma ville. Quand il fait bon, c'est agréable. Il y a les rues piétonnières, les magasins, les petits fast-food. Ça peut être convivial aussi, quoi. Quand c'est le marché le dimanche comme ça, c'est génial quand il y a du soleil. On voit les gens qui passent. Ça détend. Et puis, il y a aussi les environs, comme le parc de la Sierna, où on peut aller se promener, ou le parc de Monceau. Enfin, il y a différentes choses aux alentours qui sont agréables aussi. Noémie, il y a quelque chose de particulier à Charleroi, quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, quelque chose qui fait que Charleroi est Charleroi. L'âme de Charleroi. L'âme. L'habitant de Charleroi. Bah, disons que les gens qui se connaissent sont, comment vais-je dire, sont conviviales entre eux. La même chose si vous allez dans un établissement, vous allez toujours dans le même établissement, mais il y a une certaine convivialité et simplicité qui s'installe, et ce sont des rapports humains qui sont agréables, quoi. Une dernière question, et si quelqu'un arrivait à Charleroi comme ça, sans connaître, vous lui diriez d'aller où ? Ou d'y faire quoi ? D'aller à la rue de Dampremis, une rue piétonnière, et il y a un établissement là qui s'appelle le Bistrot, et d'y manger une bonne crêpe, et voilà. Et de se détendre, et de boire un verre, et regarder les gens passer quand il fait bon. Voilà. Vous avez envie de jouer avec nous, madame ? Charleroi pour vous ? Mais j'aime Charleroi, mais je sais rien dire d'autre. Ça fait longtemps que vous habitez Charleroi ? Ça fait, oui, plusieurs années. Les gens sont chouettes à Charleroi ? Très bien. Moi, je m'y plais. Ça veut dire pourquoi vous vous y plaisez ? Peut-être pour la mentalité, qui est simple. L'endroit. J'aime bien Charleroi, c'est tout. Et on termine là-dessus. On en profite qu'il y a un micro là maintenant pour pouvoir dire des choses. Alors on peut quitter Charleroi. Un thème qui vous touche, simplement de le dire là maintenant, de profiter de la radio. Si attends, vous n'avez rien à dire, mais tiens, vous pourriez avoir le désir de parler dans le micro en disant mais tiens, je vais en profiter pour parler de ça, pour être entendu, quoi. On peut dire. Vérité n'est pas bonne à dire. Je dis toute vérité n'est pas bonne à dire. Par exemple, je trouve qu'on fait assez bien pour les étrangers et moins pour les Belges. Actuellement, c'est ce qui se passe. Vous dites ça par rapport à quoi exactement ? Le travail ? Mais question de travail, question de possibilité d'avenir. On donne plus de facilité. Et moins aux Belges. Oui, par exemple, ce qu'on nous a dit aussi, par exemple, pour des appartements sociaux, eh bien, les personnes qui sont donc titulaires de trouver des gens qui veulent avoir un appartement social, ont comme directive de prendre 3 étrangers et un Belge. Et ça nous choque un peu parce que, bon, nous, on nous retire de plus en plus de pouvoir d'achat, et on voit ces gens-là qui roulent dans des grosses voitures, qui font ce qu'ils veulent. On est d'accord que ce n'est pas vraiment la faute spécialement à l'étranger, entre guillemets, mais à une politique qui est mise en place. Parce que si ça tombe, c'est pour donner des couleurs à une certaine... Hein, on dit le peu... C'est un potentiel pour les prochaines élections. Hein. C'est un potentiel de faire voter 180 000 étrangers, en plus ceux qui ne sont pas européens. C'est un potentiel évident pour eux. Donc, mais à notre détriment pour plus tard. Parce que je suis persuadé, ces gens-là voteront pour leurs frais, pour leur engagement plus tard, mais plus pour les Belges. Hein, non. Ce sera à notre détriment. Ça vous fait peur ? Tout à fait. Être étranger ou sans papier en Belgique, c'est pas forcément avoir la vie facile, hein. Ça je ne crois pas. Hein. C'est peut-être l'idée qu'on peut avoir comme ça, il y a peut-être 2-3 exemples de gens qui... Mais la majorité des gens ne s'en sortent pas spécialement bien en étant étrangers sans papier. Hein. Ils n'ont pas les facilités, on leur refuse le travail, on leur refuse les logements, on leur refuse beaucoup de choses. Je crois, hein, qu'il faut quand même être juste, quoi. Alors, je m'excuse pas là parce que... Tranquille, hein, monsieur, de toute façon. Non, en fait, Noémie disait... Non, mais je disais que être étranger, par exemple, sans papier, arriver en Belgique, c'est pas synonyme d'avoir la belle vie, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes liés à ça, donc je trouve que c'est pas juste. Si on pouvait les aider dans leur pays, si on pouvait leur apporter une aide dans leur pays, Le problème, c'est que leurs dirigeants gèrent mal leurs affaires. Eux, ils vivent, les dirigeants de ces pays-là, ils vivent dans le luxe. Donc, on voit précédemment Mobutu qui prenait l'avion pour venir se faire une coupe de cheveux et aller au restaurant, puis retourner chez lui. Et il n'y a pas de route chez lui, il n'y a pas... Les gens sont sans travail, il y a les maladies. Et nous, on nous pénalise pour des gens qui ne gèrent pas leur pays comme ils devraient, ou peut-être encore, il y a des choses certainement qui sont voulues aussi de certains qui ont le pouvoir. C'est sûr aussi. La plupart des pays, on va dire, qu'on appelle du tiers-monde, sont sous la tutelle des pays puissants. Donc les gouvernements là-bas ne représentent pas forcément les intérêts de la population, mais ils représentent peut-être les intérêts de nos populations. Il ne faut pas l'oublier non plus que la plupart des pays du monde sont asservis à notre système économique. Et ça, c'est le revers de la médaille aussi, d'avoir les laissés pour compte de ces pays-là qui viennent aussi voir ce qui peut s'offrir comme possibilité ici. C'est quand même le juste revers d'une médaille, mais c'est toute l'histoire qui est en cause. Hein. Maintenant, il faut focaliser les choses sur les étrangers. En fait, il faut se mettre ensemble, tu vois. Et c'est comme si, quand il y a des merdes qui se passent à l'extérieur, nous, on est quand même, on va se dire, entre guillemets, même si on a beaucoup de choses à critiquer négativement, il y a des choses à critiquer positivement ici. On vit quand même de l'autre côté où, on peut s'asseoir à une terrasse et boire un verre, quoi. C'est pas la guerre. C'est un luxe. Quelque part, c'est un des seuls luxes qu'on sait s'offrir. Quoi. On sait s'offrir de moins en moins. On est dans une société de loisirs et on doit de plus en plus regarder. Et il y a aussi un écart qui se forme entre les gens qui ont vraiment les moyens et les autres qui tirent dessus. Quoi. Moi, je vais vous dire, il y a 27 ans que je travaille pour la ville de Charleroi. Il y a 27 ans, j'entends le même pourcentage de chômage qui ne va pas s'arranger, notamment dans le futur, parce que vous parlez d'étrangers, mais évidemment, tout ça, ça a des répercussions sur notre salaire. Et alors, quand on voit déjà le nombre de quotas qu'on fait pour les médecins, kinés, ainsi de suite, vous voyez, l'avenir n'est pas beau. Hein. Alors, moi, je trouve qu'avant d'accepter toutes ces personnes-là, il faudrait d'abord régler ce qu'il y a dans notre propre pays, le chômage, avant d'accepter d'autres personnes. S'il y aurait au moins une possibilité, une réserve pour pouvoir engager des étrangers, moi je ne suis pas contre, mais d'abord faisons en sorte pour que la Belgique s'en sorte déjà, avant de penser à en sortir les autres. Je ne sais pas si la question est d'en sortir les autres. Je pense que si on fait appel à des étrangers, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, à Charleroi, il y a beaucoup de gens originaires d'Italie ou de... Je veux dire, c'est quand même les étrangers de l'époque, quoi. C'est parce qu'on a besoin de main-d'œuvre bon marché pour pouvoir faire des travaux difficiles que tout le monde n'accepte pas de faire. Et notamment, tous les gens qui ne sont pas régularisés, c'est les premières cibles de ce genre de boulot parce qu'ils ont besoin de 3 euros. Ils sont prêts à être payés 3 euros de l'heure pour ça. Ah oui, je sais, mais je veux dire, c'est pas de la faute de l'étranger. Non, c'est pas de la faute de l'étranger. Ah non, ça je ne pense pas, c'est une face. C'est la politique. Mais il ne faut pas tout mélanger, parce que c'est ça aussi, quand on est proche des gens, de la rue, du terrain, souvent on fait cet amalgame de mettre toute la pression comme ça sur les étrangers. Mais ce n'est pas véritablement, allez, si on fait une analyse vraiment, c'est les politiques, c'est le système dans lequel on est, tu vois. Si vous allez à la prison de Jamul, vous allez faire une statistique de tout ce qui est basané par rapport à un blanc là-bas. Vous allez comprendre pourquoi on devient raciste. Voilà. Il y a énormément basanés à Jamul dans les prisons. Mais c'est eux qui font les coups. Pourquoi, monsieur ? Pourquoi ? Attendez, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Et vous, à votre avis ? Non, parce que moi, mon avis, je vous le donnerai après. Les prisons sont toujours remplies, à mon avis, des gens qui sont les plus socialement les plus bas. C'est normal parce que c'est une question de culture, c'est une question de moyens, c'est une question de difficultés sociales souvent. Délinquance égale. Et donc pour le moment, c'est peut-être ces populations-là qui sont les plus touchées. Et peut-être à d'autres époques, ça a été d'autres populations. Maintenant, il y a d'autres. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on. On n'a pas les mêmes mentalités, les mêmes mœurs. Parler de tolérance, quand vous voyez qu'on doit accepter le foulard par ici, alors que dans leur propre pays, on suit la règle. Lorsqu'on va visiter une mosquée, on enlève ses chaussures. On prend les coutumes du pays. Par contre, eux qui viennent ici veulent imposer leur propre façon de vivre. Ça, c'est dérangeant. Vous n'avez pas l'impression, hein, moi je ne sais pas, hein, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi beaucoup les médias, les journaux, la télévision, etc., qui met ça en avant pour dire aussi « Oh, les méchants islamistes, oh, les méchants, les terroristes, les machins », et qu'on fait l'amalgame pour que les populations se dressent entre elles. Et comme ça, le pouvoir, il peut dire « Mais de toute façon, le Belge, il croit que c'est de la faute de l'Arabe, et nous, on continue à faire notre beurre. » Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je trouve qu'il ne faut pas se laisser trop endoctriner par... Pour le moment, on n'arrête pas de parler de ça parce que ça arrange bien le pouvoir que les gens pensent comme vous pensez, en fait, je trouve. Et que ça crée une certaine inertie qui fait qu'alors plus personne ne se révolte pour les bonnes... pour les vraies raisons, quoi. On se révolte pour des faux problèmes, je trouve. Voilà. C'est ce que voilà. Je crois. Voilà comment on discute. Charleroi. Mais disons que toute personne qui s'intègre ne nous dérange pas. Mais il faut aussi que ceux qui ont le pouvoir leur donnent la possibilité de s'intégrer et ne pas les mettre dans des ghettos. Et tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je crois que de la place pour tout le monde, il peut en avoir. Du travail, il y en a plus. Mais, moi, je trouve que du travail, il y en a. Mais bon, on n'engage pas nécessairement les gens. Et je sais pas. Les bases années, comme vous dites, et qu'on cherche du travail, et rien que parce que notre nom sur un CV est d'origine de consonance étrangère, hop, le CV est déjà mis dans la poubelle. Même chose pour trouver un logement, par exemple. Donc, c'est pas toujours aussi facile que vous dites de s'intégrer et de trouver sa place. Parce qu'avec des barrières comme ça... Ben, les gens qui habitent ici depuis leur naissance, mais qui ont le malheur d'avoir un nom étranger, ben, se voient mis dans le, dans le paquet. Oui, voilà. Il n'y a même pas besoin d'être intégré. Leur mère habite ici depuis... tu vois, eux sont nés ici, mais ils sont basanés, mais ils doivent être intégrés. Enfin, c'est plus complexe que ça, quoi. C'est, voilà. Et mais un jour comme aujourd'hui à Charleroi, là, un jour du marché, ils doivent sûrement avoir plein de gens qui viennent présenter leur liste. Pour les élections, non? C'est pas trop chiant, ça? Ils font ce qui leur semble juste pour eux, quoi. Mais bon, c'est pas ça qui influence ou pas dans le choix, je trouve. Enfin, moi, pas, en tout cas. Mais surtout après ce qui s'est passé dans Charleroi, énormément de fraudes. Et ils ont encore le culot de se présenter ici, devant les gens. C'est vraiment audacieux, c'est... Je ne comprends pas, moi, dans quel monde on vit. Et c'est à notre détriment, hein. Toujours la même chose. Comme on disait dans le temps, c'est le petit qu'on spotche. C'est le petit qu'on écrase. Ouais. Mais quand les petits se mettent ensemble, normalement, ça marche aussi, ça fait peur aux gros. Hein. C'est vrai. Ça a toujours fait peur aux gros que les petits. Maintenant, elle est de plus en plus rare aussi. Hein. Les gens font beaucoup chacun pour soi, quoi. Dans le travail, ça se voit également. Avant, il y avait une camaraderie, une solidarité. Maintenant, c'est chacun pour soi. C'est ça que ça en va à notre perte. Tout ça est calculé pour que justement il y ait moins de solidarité, chacun dans son coin. Regardez même l'architecture dans les bureaux. C'est fait des box comme ça pour. Il ne faut pas laisser faire. D'accord? On est d'accord avec vous. Là. Et la madame, elle est partie. Ouais. Je coupe mon micro, moi. Merci. Ouais. Hein. Nous vous remercions. Merci. Justement, donc la population de Charleroi, elle connaît bien. Ah oui, là. Voilà. Alors, bonjour madame. Bonjour. Un petit portrait de Charleroi. Ben, c'est mon lieu de naissance, premièrement. Mon lieu de résidence actuellement, bien que j'ai passé quand même toute une longue partie de ma vie à la campagne plutôt qu'à Charleroi, mais j'habite pas centre-ville, je suis dans la périphérie qui est quand même déjà plus agréable. C'est mon lieu de travail, j'enseigne ici à Charleroi dans une école, donc je connais bien le milieu social de Charleroi Ben, j'ai déjà dit beaucoup plus de 10 mots, je crois. Quand vous dites que vous connaissez bien ce milieu social, vous pourriez le décrire ? Oh, mais la description, c'est comme tout milieu urbain. Il y a de tout. Il y a des milieux privilégiés, il y a beaucoup de milieux qui le sont moins. Il y a des vrais Belges, il y a des gens devenus Belges. C'est très varié. Vous plaisez bien, Charleroi ? Je me plais bien là où j'habite, dans la périphérie, oui. À Mont-sur-Marché, c'est à 5 km d'ici. Mes grands-parents, en fait, se sont installés ici à Charleroi au début du siècle et ont tenu pendant 45 ans un magasin bien connu à la rue d'Empremis à l'époque, qui est maintenant la rue Piétonnière. Et c'était un magasin, une parfumerie. Alors mon père a fait ses études secondaires ici à Charleroi, puis est allé à l'UNIF et s'est installé à la campagne. Mais je suis quand même née à Charleroi. Voilà. Charleroi, vous avez dit Mont-sur-Marchienne, c'est ça ? Il y a plein d'anciennes usines là-bas, non ? Mont-sur-Marchienne, pas du tout. Il y a... Ah, Marchienne au pont. Mais non, justement, hein, Marchienne est, au pont est en bas et le mont sur Marchienne est au-dessus et c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus rural, boisé. Et, ah oui, c'est... Mont sur Marchienne a toujours été une partie résidentielle de la banlieue de Charleroi. Ceci dit, on n'est pas loin non plus des quelques usines restant dans la région. Hein. On les voit, on voit les fumées. Ça fait partie de Charleroi, inévitablement, c'est clair. Il y a un monsieur qui nous a dit que ça en faisait un peu une ville assez unique, Charleroi. Je pense que Charleroi est une ville assez typique, oui. Et aussi bien dans le positif, avec la chaleur des gens, leur accueil, que dans le négatif, manque de propreté, manque de respect de l'environnement, et voilà. Maintenant, ne me demandez pas d'aborder l'aspect politique, parce que c'est pas vraiment le moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Bon, d'abord, il y a évidemment la préparation des élections, et puis il y a tout le passé depuis un an, les découvertes. L'arrestation de plusieurs personnes bien en place, qui géraient les choses bien en place à Charleroi, et qui se sont fait leur beurre sur le dos des concitoyens. Avec une politique socialiste. Avec une politique socialiste, oui. Et ils n'ont pas peur de se représenter tel quel. Et de se montrer là à 10 mètres. Enfin, vous avez compris que nous ne sommes pas d'obédience socialiste. Et toi, tu es prête un peu à jouer à notre jeu ? Charleroi, description ? Alors Charleroi, moi c'est une ville à laquelle je suis fière quand même d'être Carolo, à laquelle je suis attachée parce que c'est le milieu duquel je suis issue, que Charleroi, même si maintenant a perdu beaucoup de son prestige, je vais dire, que ce soit par l'arrivée, enfin beaucoup de son prestige, c'est une ville qui a été hyper importante pour la Wallonie, pour la Belgique, qui a une histoire industrielle et économique extraordinaire. Et je trouve qu'on a trop tendance à mettre cette histoire-là au placard, alors que ça a quand même été le fleuron à un moment donné. Donc je suis attachée, je suis fière. Maintenant, comme madame le disait, moi j'ai habité le centre de Charleroi, ici tout près de la place. J'y suis pas restée longtemps et je suis très contente maintenant d'être à nouveau dans la campagne, parce que c'est vrai que Charleroi est devenue une ville très insécurisante. Ça va un peu mieux, mais c'est pas top, très sale, avec peu de moyens mis en œuvre, je veux dire, pour simplement maintenir la propreté de la ville. Oui, ils ont fait beaucoup d'aménagements avec des jets d'eau, des marsupilamis, des trucs comme ça, mais... Mais en termes de propreté, de sécurité, je trouve que les budgets n'ont pas été investis là où ils auraient dû l'être. Et c'est vrai que ce qui est souvent dit aussi par les gens qui ne connaissent pas Charleroi, c'est vrai que Charleroi est une ville où il y a beaucoup d'étrangers. À ce niveau-là, on la met souvent en parallèle avec la Louvière. Alors moi, je trouve, c'est comme toute chose, je trouve que c'est à la fois une richesse et c'est vrai que c'est aussi parfois ce qui explique la difficulté des gens de vivre ensemble et donc des problèmes de violence qu'il peut y avoir et d'insécurité toujours. Et voilà, maintenant, ce que j'aime pas du tout à Charleroi, c'est justement cette suprématie des socialistes qui existe et qui, on a l'impression que quoi qu'ils fassent de dégueulasse, de toute façon, il y aura toujours des gens pour les défendre parce qu'ils sauront toujours comment abuser justement de la simplicité, dans le bon sens du terme, de la population de Charleroi. De l'argent devrait être investi pour tout ce qui est la propreté et la prévention. Mais toi, tu mettrais cet argent dans quel genre de projet? Tu vois, tu serais celui qui décide. C'est comment qu'on peut améliorer ça? C'est comment qu'on peut toucher à ça? Je crois déjà qu'en termes de formation des forces de l'ordre, je crois qu'il y aurait un super budget de la formation des profs des forces de l'ordre, je crois. Je trouve, je trouve pas normal, et ça c'est pas un reproche que je leur fais, mais je trouve pas normal que que les membres des forces de l'ordre n'osent pas aller dans certains quartiers ou n'osent pas aller à certaines heures dans certains quartiers. Je comprends qu'ils n'osent pas y aller, mais je veux dire, là quelque part, ça reste quelque chose qui n'est pas fait. Quand il y a un monsieur aussi là qui nous disait juste avant, dans certains quartiers, les flics n'osent pas aller. Du coup, tu le redis une deuxième fois, du coup, je me dis, t'as cette information d'où? Parce que dans le cadre de mon travail, j'ai été amenée à travailler avec des gens qui vivaient dans la banlieue, dans des villages qui font la banlieue de Charleroi, mais la banlieue peu sûre, et où c'était les gens eux-mêmes qui alors subissaient des dépravations, des menaces et tout, disaient qu'ils avaient beau interpeller au moment où ça se passait, que les flics ne débarquaient pas. Ils débarquaient le lendemain, quoi, mais pas au moment où ils débarquaient trop tard, et pas au moment opportun, quoi. Alors sinon, il ne faut pas stigmatiser ça non plus. Je crois qu'en termes de prévention, il y aurait aussi un super budget qui pourrait être alloué à tout ce qui est accessibilité des soins de santé en général. Donc accueil médico-psychosocial qui devrait être gratuit pour certaines personnes et plus important. J'exagère en disant ça, mais la santé, j'écoutais l'autre jour à la radio, elle est à deux vitesses, quoi. Ceux qui ont l'argent ont droit à la santé, ceux qui l'ont pas. Voilà, l'heure c'est l'heure, et en fait on va tout doucement stopper les choses là pour se retrouver la fois prochaine. Et la fois prochaine, on écoute la suite, d'accord? Allez, à la semaine prochaine alors. Thank you.